La ferme. Gustave, au sortir de son champ, prend le chemin qui mène à sa ferme. C'est une vieille bâtisse, datant au moins de 100 ans, juchée sur un monticule de rocailles, inintéressante pour les promoteurs. Dans le bas coule un petit ruisseau, où l'eau tranquillement s'écoule vers une destination inconnue. Gustave s'arrête songeur devant sa propriété, comme il aime se l'entendre dire. Devant ses yeux fatigués, revient en sa mémoire toute une longue période d'économie pour obtenir enfin cette vieille ferme et ses dépendances. Il s'agenouille et arrache quelques brins d'herbe qui commencent à pousser entre les fissures d'un béton déjà vieillissant. Le calme et la tranquillité règnent dans cet espace dégagé. Il n'y a que des forêts aux alentours conférant à cette ferme un calme absolu. Pourvu que l'on ne vienne jamais me déranger. Même avec cette misère apparente, je suis vraiment l'homme le plus riche du monde. Je dois avouer que pour obtenir des pièces de rechange et du ravitaillement, il faut longtemps, mais je me sens bien. Le temps passe. Le soleil disparaît à l'horizon, terrassé par le dragon des ténèbres. La bataille n'est pas terminée. Demain, il reviendra, plus majestueux et vainqueur, et un autre combat s'annonce. La nature est vraiment correcte, ni de gagnant ni de perdant. Le juste équilibre des forces qui permettent de vivre en bonne harmonie avec la nature. Sur cette agréable pensée, Gustave se relève en embrassant du regard sa propriété.